Le bonheur du foyer. Doux charme du foyer, ô bonheur domestique, quel théorbe assez pur peut rendre tes douceurs? Par quels chants exprimer ta forme séraphique, invisible au vulgaire cœur? Éveille-toi, mon luth, la tâche est noble et belle, elle veut des accords suaves, radieux. Ô lyre, il me faudrait, pour être digne d'elle, tes sons les plus mélodieux. Ah, pour chanter l'hymen, couronne-toi, ma lyre, du myrte toujours vert, des plus modestes fleurs, et que ma muse daigne un instant me sourire pour peindre ses chastes faveurs. Ô sainte déité du foyer domestique, charme de tous les jours et de tous les instants, toi, trésor indicible, éthéré, séraphique de nos premiers parents, toi qui constant suivis l'homme dans son naufrage, ô seul bien immortel échappé de l'Éden, heureux celui dont l'œil aperçoit ton image dans les champs de l'hymen. Ô de ton front divin que l'éclat est céleste, quand tu couvres de cœur de tes voiles d'azur, quand tu répands sur eux la lumière modeste de ton flambeau si pur. Mais que peu de foyers de ton aile brillante, prédestinés du ciel, hélas, sont ombragés. Que de murs enfermant, cœur tendre, âme brûlante, par toi sont négligés. Ah, c'est que de Plutus, fuyant les néophytes sous les riches lambris et les somptueux dais, rarement on te voit près des vins sybarites habiter les palais. Tu crains les nœuds dorés et les chaînes pesantes, triste fruit du hasard ou de calculs pressants qu'ils forment, y mêlant de leurs mains imprudentes les regrets impuissants. Non, c'est l'accord des cœurs, douce union de l'âme, ces deux moi dans un seul, pure félicité, don précieux, divin, qui modeste réclame ta fidèle clarté. Ah, quand de tels liens appellent ta venue, daignant les éclairer de ton chaste flambeau, constante, les couvrant, sa flamme méconnue brille jusqu'au tombeau. Ô vous, jeune mortel que le sort favorise, que sous un joug de fleurs l'hymen vient de ployer, et qui voyez en paix cette heureuse ombre assise à votre doux foyer. Gardez, ô gardez bien cette hôtesse divine, de sa coupe craignez d'altérer le cristal, du froid oubli pour elle ou de l'humeur chagrine, le contact est fatal. Plus rarement suivez la course fantastique des vains amusements, des frivoles loisirs, cortège révéré d'un monde chimérique, altéré de plaisirs. Ah, craignez au retour d'éblouissantes fêtes de ne plus retrouver sous le dôme d'azur l'ange qui fuit la mode et ses folles conquêtes pour le foyer obscur. Oui, l'ange du foyer, le bonheur domestique, fuit la mode énivrée et son prisme changeant. Il est constant et doux, d'une humeur séraphique, calme, tendre, indulgent. Mais il veut des amours longuement éprouvés, durables, à l'abri des volages désirs, qui ne puissent soudain un jour être enlevés par l'essaim des plaisirs. Fidèles aux serments, ennemis des orages que provoquent toujours les folles passions, vivez, jeunes époux, vivez heureux et sages, loin des commotions. À tout jamais unis sous les voiles modestes de l'esprit immortel doux transfuge des cieux, d'avance préludez aux délices célestes du séjour radieux. Et quand s'avancera le couchant de la vie, tous deux purs de remords, de regrets superflus, fiers de vos rejetons, mortels dignes d'envie, couplets aimés des vertus. Fortunés Alcyon, les tempêtes cruelles auront su respecter les fruits de vos amours, qui viendront s'empressant, ombragés de leurs ailes, le soir de vos beaux jours.